plus jamais ça. On m'a déconné, plus jamais ça. On m'a déconné. Ça commence, les bus en flamme. Lorsqu'il y a grève, les maisons en feu. Quand on est fâché, on casse tout. Est-ce la solution? Arrêtez-moi tout ça là, non, non, non, nous avons déconné. Arrêtez-moi tout ça là, oh là là, on a déconné. On commence, les voitures en flammes. Lorsqu'il y a marche, les villes paralysées. Quand on est fâché, on brûle tout. Où est le sérieux? Arrêtez-moi tout ça là, on a déconné. Arrêtez-moi tout ça là, oh là là, on a déconné. Quand ça commence et que tu chantes les camps, tu deviens automatiquement libérien ou bien ghanéen. Sinon on t'appelle le Burkinabé ou bien on t'appelle le Sierra Leone ou bien on t'appelle le Namibien. Ou bien on t'appelle le Sénégalais, tout simplement parce que t'as un élégant. Plus jamais ça, on a déconné. Plus jamais ça, on a déconné. Quand ça commence, et que tu chantes quand tu deviens automatiquement le Jenny Mango. Oui, le persona non grata, parce que t'as changé de gant. Plus jamais ça, on a déconné. Oh non, plus jamais ça, on a déconné. Plus jamais ça, on a déconné. Plus jamais ça, on a déconné. Oh non, plus jamais ça, on a déconné. Non, non, non, non, non, non, non. On a déconné. Oui, oui. On a déconné. Plus jamais ça. Yes! Est-ce que ça va? Alors, le prochain morceau.